Et il est en train de dire, t'as vu comment je les viole avec une facilité, le type. Il fait de la peine. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'il s'en rend pas compte, tellement il est malade, il est ouais, vraiment, je crois que c'est un des plus défouraillés du réseau. Ah oui, il est même pire il que... Il est même à côté de la... Ouais. Mais c'est un peu le même genre. T'sais, ils sont pitoyables, ils s'en rendent pas compte. Lui vivait à la base, c'est juste sa maman, quoi, c'est la part de sa mère qu'il a récupérée. Et donc, assez souvent, bon, je sais pas pourquoi, mais il se retrouvait dans la cave au sous-sol, quoi. Et il buvait ses packs de bière, nanana, il chiait dans la cave, il creusait des trous, je sais pas quoi. Ça peut paraître un peu... Tu parles d'un chien, c'est pas possible. Non, je parle de Ryan. Il a fait des trucs sordides à sa maman. Sa maman adorait, tu l'as pas entendu, toi, sa mère, avant qu'elle, malheureusement, elle décède. Non, j'ai connu un peu sur le 600 la Rihanna, mais sa mère, j'ai pas le souvenir. Ouais, bah, elle faisait des cris de bête. Je l'ai enregistré, sa daronne. La première fois que je lui ai passé ce truc-là, putain. Tu l'as encore enregistré? Ouais, mais il s'est pas fait. Attends. Fais écouter. Sa mère a fait ça, en fait. Ah, ma petite maman, c'est gentil, ma petite maman, moi. Bon, ça tourne en boucle. Putain. Et pourquoi il dit ma petite maman à moi? Qu'est-ce qu'il raconte? Elle est gentille, parce qu'avant il disait ouais, elle est gentille, ma petite maman à moi. Elle est gentille. Je t'ai dit, toi, t'as loupé le meilleur. Et c'est sa mère qu'on entend derrière qui. Ouais, qui... c'est sa mère. Je te jure que c'est sa mère. On a mis un moment à le cramer. Au début, on pensait que c'était un chien pendant pas mal de temps. On se demandait, voilà, on se posait des questions. Et au final, on a cramé, c'était sa daronne. Et après, Jamila, je te dis, elle a balancé, nanana, la mère handicapée parce que son père s'est barré du jour au lendemain, t'sais, abandonné tout le monde, quoi. C'est tiré, la mère a disjoncté, je savais pas que c'était possible, donc c'est devenu un légume, soi-disant. Donc Ryan, son boulot, c'était de torcher le cul de sa mère, s'occuper de sa maman, mais malheureusement, il s'en occupait pas, quoi. Il était tout le temps, constamment sur le réseau. En fait, le train de vie qu'il mène actuellement, c'est le rythme horaire, c'est le même que quand il gérait sa mère, quoi. La même chose. Ah, c'est malheureux. C'est un pauvre type, tu vois, il mériterait même pas qu'on parle de lui. Mais tellement il est mesquin. Là, c'est vraiment le mesquina, quoi. Putain, va consulter, bordel de merde. Mais non. Oh, il est gentil, Ryan. Puis un autre truc, attends, la première fois que je lui ai mis ça, oh là là, ben oui, mais il veut pas montrer qu'il est touché, machin, mais t'inquiète pas quand il raccroche. Peut-être maintenant, bon, il a l'habitude de s'en prendre plein la gueule, hein, mais au début, il est où son truc de merde? C'était quoi? On entend sa maman se faire torcher le cul, attends, ça... En plus, il dit ouais, c'est qui crie? Et c'est sa mère, c'est qui crie derrière. Genre, elle a besoin de secours, quoi. Elle a besoin de quelque chose. Sa mère, elle parle pas. Oui, c'est bon, ça, c'est de la bonne chose. Elle fait que des cris de bête. Un jour, il a dit ouais, ma mère, elle aime pas l'eau. Elle prend même pas une douche par semaine, fils de pute. Ouais. Il était sur le réseau, quoi. C'est bon, c'est la petite purée. Ah, tu vois, purée ou soupe. Sa maman, elle mange purée ou soupe. Et Coca-Cola. Tu es au cabinet? Ouais, c'est au cabinet. Je veux changer. Au cabinet, hein? Oui. Non, le cabinet. Ça fait chier. Ça fait chier où, hein? Il fait chier sa mère sur le réseau, enfant de putain. Quelqu'un est en train de crier. Attends, comment ça? Il est quelle heure? Ah, les bâtards.